89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alain Saliakoui sera avec nous pour parcourir le corps humain à bord de son bus magique. Et on prendra le fusil qui nous mènera vers la connaissance générale. Dans la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce lundi 6 février 2017. On est à 80 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Talia Baudin va être de retour dans les prochains jours parce qu'elle n'a plus de voix. Je l'ai laissée sans voix. C'est ce que j'ai fait. C'est ma faute. Donc elle va être de retour, j'espère, parmi nous très bientôt. Je sais qu'on va la voir au bureau tantôt, mais sans voix. Elle ne pourra pas parler. Elle va peut-être siffler de façon stridente, mais bon. Donc aujourd'hui l'émission, on a Alassania Kouyi qui va être avec nous à 8h pour sa chronique Le Bus Magique. Elle parle toujours du corps humain, de médecine, de tout ce qui est science. C'est toujours bien intéressant, donc à 8h. À 9h, on va recevoir Philippe Compagnon pour parler d'ADN d'un pitch et du Startup Weekend. Donc ça s'en vient avec lui, on va discuter de ça. Je me demande bien ce que ça veut dire l'ADN d'un pitch. Alors, on va aussi faire du site un fait pas mal dans l'émission d'aujourd'hui, étant donné que je suis seul. C'est ce qu'on va se garnir la face de, comme on l'appelle. Et aussi, tant qu'à faire, on n'a pas Tania aujourd'hui, mais notre ami David Ferron nous a envoyé quelques petites suggestions musicales. Donc, c'est ce qu'on va faire pour commencer l'émission. On va entendre The Cat Empire. Excellente pièce, excellent choix. Voici Brighter Than Gold tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou 89 FM. Steps in the morning, the two steps in the day, the three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, and what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. Seen what none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood, a black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. Solid Red Gold par The Cat Empire à Assemblage Requis. Suggestion de David Ferron, notre bon ami ici à l'émission. On va entendre d'autres de ses suggestions musicales plus tard. Ils sont malades en show en passant. The Cat Empire, si vous pouvez trouver une date de spectacle pour eux. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que je sais pas, des choses que tu sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses visibles, véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com. On commence avec le mont Kosciuszko. Kosciuszko? K-O-S-C-I-U-S-Z-K-O. On pensait que c'était la montagne la plus haute de l'Australie jusqu'à ce que le mont Townsend, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était plus haut comme mont. Et à la place de rééduquer le public que Townsend était la nouvelle montagne la plus élevée en Australie, le département New South Wales Land Department a simplement échangé leur nom. Donc le mont Kosciuszko est devenu le mont Townsend et le Townsend est devenu le Kosciuszko. On se casse pas la tête en Australie des fois. Tant mieux. Au début des années 1906, des courses de vélo qui duraient 6 jours de long étaient quand même assez populaires. Le gagnant était la personne qui réussissait à faire la plus grande distance dans ces 6 jours-là. Et ils dormaient très très peu et ils hallucinaient pendant la course. Ah oui, donc un 6 qu'on appelait, ou encore un 6D. C'est donc une course qui durait 6 jours. Ça a débuté en Grande-Bretagne, ça s'est éparpillé un petit peu partout dans le monde. Il y a une version... qui était aux États-Unis aussi, et maintenant c'est surtout un événement européen. À l'origine, les personnes compétitionnaient seules. Le gagnant était la personne qui avait complété le plus de tours. Par contre, le format a changé pour permettre des équipes, souvent de 2 personnes chaque, une qui se promène alors que l'autre se repose et on échange. Donc les 24 heures à la fois sont aussi calmées, la règle des 24 heures à la fois, pour que la plupart des courses de 6 jours aient 6 soirées de course, typiquement entre 18h et 2h du matin. Comme on l'a dit, il y a des hallucinations des fois, les gens tombent, mais ils se font quand même bien payer, étant donné que les gens viennent regarder alors que leurs conditions empirent. À New York, on a payé Teddy Hale 5 000 $ lorsqu'il a gagné. Il avait l'air de fantôme à la fin, son visage était complètement blanc, ses yeux n'étaient plus visibles parce qu'ils étaient dans son crâne, selon un reportage du New York Times. Ensuite, la science confirme que c'est correct de parler en mal ou de chialer avec ses amis. C'est un type de conversation qui va vous rapprocher. On a tous entendu parler donc que se plaindre, c'est une mauvaise chose pour nous, c'est mauvais pour les relations. Mais c'est pas toujours facile de pas se plaindre, hein? Donc, il y a une nouvelle recherche qui nous apprend qu'il y a un type de plaignage, là, se plaindre, qui est non seulement commun dans la plupart des relations, mais qui est essentiel. Et donc, c'est en 2002, une étude qui nous apprenait que les gens qui discutaient, qui revisitaient des problèmes qui étaient toujours les mêmes, qui faisaient de la spéculation sur ces problèmes-là et qui focusaient sur des choses négatives, disaient donc avoir des symptômes de dépression. Et depuis ce temps-là, ne pas se plaindre est devenu comme une façon de maintenir une relation qui était saine. Ça, c'était en 2002. D'autres études nous ont aussi parlé de cette théorie-là, la co-rumination qu'on appelle. Donc, c'est un terme fancy pour parler de focusser sur des problèmes, des impressions, des sentiments négatifs. On dit que ça augmente l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Et ça augmente même la prise de boissons chez les étudiants universitaires. Mais il y a une nouvelle étude maintenant, selon Julia Case Levine de chez Quartz. Les études qui nous disent que la co-rumination est présente et même essentielle dans la plupart des relations rapprochées entre les gens et que ça augmente, que ça améliore les relations d'amitié. Donc, comment est-ce qu'on peut se créer une bonne amitié tout en évitant le type de choses qui pourraient nous affecter mentalement, négativement? Ben, c'est une question de comment est-ce qu'on se plaint. Donc, la clé est ce qu'on appelle le co-brooding, hein, et qu'on doit faire à la place de la co-reflection. Évitez le co-brooding. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le focus de votre conversation sur des problèmes de façon passive en espérant que les choses changent elles-mêmes. Alors que la co-réflexion, c'est parler plutôt d'éléments spécifiques d'un problème pour mieux le comprendre et peut-être l'améliorer. Donc, c'est Margot Bastin de l'Université de Leuven en Belgique qui nous explique que si vous focussez sur les sentiments, comment vous vous sentez mal et les conséquences potentielles de façon passive, alors là, c'est mal. Et si on focus sur essayer de trouver une solution, c'est une bonne chose. Donc voilà, la science nous dit que c'est bon de parler de choses négatives des fois. Il y a un robot d'intelligence artificielle qui a déjà dit à son créateur qu'il va garder les humains un jour dans un zoo pour humains. Hein? Simple de même, ce fait-là. Un chimpanzé, tiens, parlant de zoo, qui a été élevé, lui, en tant qu'humain par un psychologue, a appris le langage des signes. Elle s'habillait elle-même et mangeait avec de la coutellerie. Elle a été envoyée dans le bois pour se faire assimiler. Et elle exprimait donc sa douleur via le langage des signes. Plus tard, décédée. On dit souvent que le déjeuner le repas le plus important de la journée, mais cette idée-là venait d'une compagnie qui essayait de vendre, plus de céréales pendant une campagne de marketing en 1944. Hein? Le marketing, ça fonctionne très bien des fois. Une étude par la London School of Economics nous apprend que l'endroit où les êtres humains se sentent le plus misérables est au travail. Pas grande surprise ici. Les melons d'eau sont originaires d'Afrique et ont été cultivés au début seulement pour leur contenu en eau. Leur saveur était plutôt amère. Ouais. Eh bien, ça s'est éparpillé ensuite vers les pays de la Méditerranée et plus tard dans d'autres parties de l'Europe. Et j'imagine que le goût a changé en cours de route, hein, pour le melon d'eau. Ensuite, la science peut nous dire quelles allergies vous avez basées sur votre anniversaire. OK. Donc, c'est quand même complexe, nous dit-on. Donc, les chercheurs savent depuis longtemps que le moment de l'année où vous êtes né peut avoir une corrélation directe avec les allergies dont vous souffrez. Les gens qui sont nés pendant l'automne et pendant les mois d'hiver ont un plus grand risque, d'allergies non saisonnières et saisonnières. Donc, les allergies saisonnières, c'est des réponses de votre corps avec des choses comme le pollen et la poussière, alors que les allergies non saisonnières, ça peut être une réponse du système immunitaire par rapport au gluten, aux produits laitiers, etc. Donc, on attribue ça à un manque de vitamine D via l'exposition au soleil dans ces mois plus sombres ou l'accès limité d'une mère à certains légumes saisonniers ou des fruits pendant sa grossesse. D'autre côté, les bébés qui sont nés pendant l'été ont tendance à être plus en santé à cause, évidemment, qu'ils ont eu plus de soleil. Mais les scientifiques apprennent maintenant que notre ADN peut aussi nous montrer à quelles allergies vous êtes prédisposés via une étude massive aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est le docteur Gabriel Luckett de l'Université de Southampton en Angleterre qui a créé cette nouvelle étude qui essaie de prouver que les marques épigénétiques peuvent révéler nos futures allergies. Donc, ces marques, c'est des marques, dans le fond, sur notre ADN qui peuvent prédéterminer, parmi d'autres choses, notre poids et notre grandeur. En entrevue avec How Stuff Works, Lockett disait que les chercheurs savent depuis très longtemps que la saison de notre naissance et notre exposition à l'environnement, à tout ce qu'il y a dans l'environnement, comme la fumée de cigarette, la famine ou même l'environnement social, sont associés avec certaines marques épigénétiques qui peuvent altérer notre expression des gènes. Mais c'est ça, on ne savait pas pourquoi à l'époque. Lockett et ses collègues focusent maintenant sur une marque épigénétique spécifique qui peut littéralement allumer et éteindre nos gènes et la relation entre ces marqueurs et le moi où la personne est née. Sa recherche continue toujours, mais on commence à se croiser les doigts en espérant qu'on va pouvoir éteindre certains de nos symptômes comme le reniflement. Hein? Toujours Donald Trump style dans son micro. Un homme nommé Juan Catalan. Juan Catalan a été blanchi d'accusation de meurtre après avoir réalisé qu'il s'était fait prendre devant la caméra pendant qu'on filmait un épisode de Cache ta joie avec Larry David, exactement au moment du crime. À la même heure, au même moment, Curb Your Enthusiasm, une émission de HBO. Donc, on l'a vu à la caméra pendant qu'on filmait l'épisode. Donc, le Los Angeles City Council a accepté de payer 320 000 $ pour régler à l'amiable une poursuite d'un homme qui avait été blanchi des accusations après qu'on ait sorti une vidéo de la comédie de HBO Curb Your Enthusiasm qui montrait donc à une partie de baseball les Dodgers lorsque le crime avait lieu. Juan Catalan a donc poursuivi la ville après avoir passé presque 5 mois en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Dans la scène de l'émission de télé qui a finalement été coupée au montage, hein, c'était même pas diffusé à la télé en tant que tel. Catalan était vu en train de manger un hot dog à l'arrière-plan de la scène. Catalan avait 28 ans à l'époque, a été arrêté en mai 2003 pour le meurtre de Martha Puebla, 16 ans, à l'extérieur de sa maison de Sun Valley, même s'il avait dit au détective qu'il était innocent et qu'il était à une partie des Dodgers avec sa fille de 6 ans au moment du crime. Il y a un phénomène psychologique qui s'appelle le « backfire effect ». Essentiellement, plus tu essaies de convaincre quelqu'un qu'ils ont tort en utilisant des faits, plus ils deviennent convaincus que leurs croyances préexistantes sont vraies. Backfire effect. Intéressant. Dumbo de Disney, oui, a été fait pour récupérer les pertes financières du film Fantasia. Dumbo est devenu ensuite gagnant d'un Oscar et a sauvé Disney pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était juste pour ramasser, pour refaire de l'argent un petit peu, pour récupérer après l'échec de Fantasia. Le NHS aux États-Unis, NHS étant National Health Service, ouais, au Royaume-Uni, avait un seul homme qui était enregistré, qui était dans les dossiers comme assistant de l'enseignement rectal, Rectal Teaching Assistant, offrant son anus lui-même pour être examiné par des futurs médecins. Et il a perdu son emploi plus récemment contre un robot anus. Pauvre gars, le seul. Il était tout seul. Environ la moitié des végétaliens ont une déficience en vitamine B12, apparemment. La vitamine B12, qui est vraiment importante, en fait, ça aide à fabriquer de l'ADN, des cellules sanguines et nerveuses, et c'est crucial pour la santé du cerveau et du système immunitaire, nous dit une étude. Donc, la vitamine B12 qui manque chez les végétaliens. Une femme médecin du Brésil, après en avoir eu assez des voleurs qui sautaient par-dessus sa clôture et qui volaient ses possessions, elle a collé une douzaine de seringues infectées de VIH sur sa clôture de métal avec une pancarte qui annonçait « Ce mur contient du sang positif au VIH, là, donc ne passez pas par-dessus ». C'était quand même une pas pire tactique, une femme au Brésil. Ensuite, on se demande en fait la question suivante. Est-ce que éternuer est en fait le 1/8 d'un orgasme? Étrange quand même, hein? Donc apparemment que ça existe, il y a des gens qui disent ça. Hein? On va savoir. Je sais pas. Selon donc le site web de rumeursnopes.com, cette fable sexuelle a commencé dans le milieu des années 90. La confusion viendrait apparemment d'une thérapeute sexuelle américaine, Dr. Ruth, qui avait dit qu'un orgasme est seulement un réflexe comme un éternuement. Donc elle a dit ça, on a dilué sa phrase, on l'a mis hors contexte et on a fini par dire qu'un orgasme c'était exactement comme éternuer. Hein? Donc le mythe aurait aussi apparemment son origine dans le fait qu'à l'intérieur du nez et à l'intérieur de l'appareil génital, il y a des tissus qui sont similaires. Par contre, il n'y a pas de preuves scientifiques pour nous dire que les tissus à l'intérieur de l'engin opèrent de la même façon que ceux du nez. L'oreille a aussi des tissus érectiles et ça n'existe pas un orgasme de l'oreille, bien sûr. Donc, la fraction spécifique d'un orgasme qu'on ressent supposément lorsqu'on éternue n'est pas un chiffre définitif ou défini. Donc, y en a qui disent bon, que c'est un huitième, il y en a qui disent que non. Selon Business Insider Australia, on a parlé à un sexologue pour avoir une opinion d'expert sur le sujet. Vanessa Thompson de la University of Sydney, où il dit que la raison que les éternuements et les orgasmes qu'on se sent tellement bien quand ça arrive, c'est parce que les deux actions relâchent de l'endorphine. Mais c'est ça, on dit pas que l'éternuement est un climax condensé, absolument pas. En fait, elle dit que le nombre d'endorphines produit par un éternuement est beaucoup moindre, oui, que celui d'un orgasme, et qu'il n'y a pas d'effet cumulatif lorsqu'on éternue comparé à avoir plusieurs orgasmes de suite, comme pour la femme, surtout. Donc, en résumé, c'est pas exactement vrai. Ensuite, on a parlé un petit peu la semaine passée, mais quand même, on ramène le fait que sacré, quand t'as de la douleur, ça réduit ta souffrance. Un psychologue, après une étude, dit « Si je devais conseiller les gens, s'ils se blessent, ils devraient sacrer. » C'est selon Neuro Report, une étude qui a été publiée quand même semi-récemment, nous dit-on. On mesurait les étudiants universitaires s'ils pouvaient garder leurs mains dans de l'eau froide. Et ensuite, on leur disait de répéter le sacre de leur choix, ou sinon de crier un mot neutre. Lorsqu'ils sacraient, 67 étudiants bénévoles disaient avoir moins mal en moyenne et enduraient 40 secondes plus longtemps environ. Malgré leur grosseur très énorme pour les éléphants comparé aux humains, ils ont environ 5 fois moins de chances de mourir de cancer parce qu'ils ont au moins 40 copies du gène TP53, qui est un gène qui détruit les cellules du cancer avant qu'ils deviennent problématiques, versus seulement 2 chez les humains. 40 fois le TP53 versus 2 chez les humains. On est pauvre en TP53. Il y a une ville dans le Texas qui s'appelle Earth, comme la Terre, et c'est le seul endroit sur Terre qui s'appelle Terre. Earth, population 1065, limite de vitesse 55 000 à l'heure. Tiens, on va de la Terre à Mars. Olympus Mons sur Mars, c'est la plus grande montagne du système solaire. Elle est tellement grosse à sa base qu'un observateur à son sommet ne saurait pas qu'il était sur la montagne parce que la pente serait cachée par la courbe créée par la planète elle-même. pas pire, hein? Et on dirait vraiment un mamelon si vous allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Donc, Olympus Mons qui fait 21 229 mètres de haut. Le Mont Everest a mis 8848 mètres et le Mauna Kea fait 4207 mètres. Et quand t'es au sommet de Olympus Mons, tu ne sais pas que t'es sur une montagne. Parce que c'est caché par la courbe. Ensuite, allons-y avec celui-là. Tiens, dans les années 70, les adolescentes japonaises ont développé une façon d'écrire tellement mignonne qu'on l'a banni dans les écoles parce que c'était complètement illisible. Mais c'était cute, c'était kawaii, comme on dit. Voilà. Donc, c'était le début de la culture kawaii. Ça a commencé parce que les filles commençaient à utiliser des crayons pousse-mine qui donnaient une main d'écriture un petit peu plus belle parce que la mine était plus mince, du 0.5 mm, si on veut. Ensuite, ça a été banni pendant les années 80. Et ça a commencé à être utilisé dans des produits comme les magazines, dans le maquillage, sur le marketing et tout ça. Donc, c'est les icônes qu'on associe avec l'industrie du kawaii, comme les personnages de la compagnie Sanrio ont commencé à cette époque-là aussi. Et on dit que ce que les gens réalisent pas, c'est que cette culture-là est née comme façon pour les jeunes filles de s'exprimer de leur propre façon. C'est aussi utilisé contre la vie des adultes. Donc, la culture traditionnelle, on essayait d'aller à l'encontre de ça. On voyait ça comme quelque chose d'ennuyant. Donc, en étant le plus cute possible, ces jeunes filles, et évidemment, les jeunes femmes, après un certain moment, montraient leur non-conformité. Donc, le kawaii, très important pour la culture japonaise. Le président américain James A. Garfield était ambidextre et il divertissait ses amis en leur faisant poser une question. Et ensuite, il écrivait la réponse en latin avec une main et il écrivait en grec avec son autre main en même temps. Président américain James A. Garfield. Les girafes ont une langue bleue ou très foncée. Et la raison est toujours inconnue par les scientifiques. Certains croient que leurs langues ont évolué comme ça pour se protéger du soleil. Mais en effet, allez voir, il y a une photo sur assemblagerequis.com de girafes avec une langue tout à fait bleue. Les scientifiques ont utilisé 666 000 $ américains d'argent de recherche du gouvernement fédéral pour examiner si une prière pouvait guérir le sida. Résultat, non. C'est non, évidemment non. 666 000 $ pour dire que la prière sert absolument à rien. Et bon, on se comprend. En tout cas, donc c'est tout pour C'est un fait. Les notes sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 1062, si ça vous intéresse. 1062. On aura une deuxième partie de C'est un fait tout à l'heure. Mais avant ça, une petite pause musicale avant de passer à notre ami Alassania Kouyi qui s'en vient avec sa chronique Le bus magique. On s'en va entendre une autre pièce, une suggestion de David Ferron qui est très productif aujourd'hui. En suggestion musicale. Donc c'est au port de Camille qu'on s'en va entendre. Apparemment, pas pire ça? On écoute ça? À Assemblage requis sur C'est fou. 89 FM. Juste là, là. Ah oui, c'est ça. Okay, juste là. Ah boy. Je suis moins chanceux que je l'étais avant sur les pubs sur YouTube. Avant, là, je pouvais en partir 1000 vidéos dans la même semaine. Il n'y en avait pas de problème. En tout cas, mais là voilà. Donc Camille au port sur C'est fou. Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoul. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Hey, petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y'en a toujours un pour larguer, l'autre pour languir. Au port, au port. Et petite cruche avec tes pots de confiture, tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si l'au-delà, si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore. Toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port, ton cœur de petite fille est mort. Hey, petite fille, à ta droite, un rêve de triomphe. Hey, petite fille, à ta gauche, il y a Dieu qui ronfle. Hey, petite fille, devant, il y a les pyramides. Hey, petite fille, derrière, le génie de la Bastille. Hey, petite fille, à ta droite, un rêve de C'était Camille avec Opa, une autre suggestion musicale de David Ferron. Au retour de la pause, à la Seigneur-Couilly et le bus magique. Reste là. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce lundi 6 février 2017. Allô? Moi, c'est Mathieu Plante. Tania Baudin n'est pas là aujourd'hui. Elle manque de voix. Je devrais peut-être manquer de plus de voix, moi aussi, comme ça je me tromperais peut-être moins. Mais bon. Donc, c'est pas grave. On est ensemble seuls. Il nous reste plein de choses à faire d'ici la fin de l'émission. D'autres suggestions de David Ferron, musicalement parlant. On va aussi recevoir Philippe Compagnon tantôt pour parler d'ADN d'un pitch et du Startup Weekend. Quand même intéressant. Mais avant ça, celle qui réagit comme ça, c'est Alassane Akouyi que voici avec le bus magique. Seigneur Akoui! Bonjour! Allô, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, j'ai l'impression qu'on vient juste de se parler jeudi dernier. Oui. C'est ça, deux chroniques de suite, on aime ça, c'est le fun. Je me rappelle que tu nous as glissé un petit mot sur ce qui s'en venait comme sujet, et moi, avec ma mémoire de pas de mémoire, je me suis même pas rappelé qu'est-ce que c'était. Ben, la mémoire est une faculté qui oublie. Elle est tellement dans mon cœur, tellement. Ben, aujourd'hui, c'est on va parler de migraine. Ah, ben oui, je me rappelle. Ouais, de migraine, mi-raisin, les autres trucs que j'avais fait, c'est passé. C'est un sujet qui me touche personnellement parce qu'étant donné que je suis migraineuse et que je viens d'une grande famille de migraineux. Ah oui. Aussi, j'ai eu beaucoup d'amis migraineux. Puis dernièrement, j'avais vu une discussion de mes amis sur Facebook puis qui demandaient des conseils, des trucs, des remèdes de grand-mère. Puis je me disais que, bon, ben, je vais te faire plaisir, mon ami. Puis là, je vais parler de migraine pendant ma prochaine chronique. Voilà. Donc, on a compris que c'était génétique, probablement, si la famille au complet en a. En fait, c'est... Ça a une composante génétique. C'est pas 100% génétique, puis c'est pas 100% héréditaire. Ça veut dire qu'il y a un gène qui pourrait être le gène de la migraine. Je parle conditionnel parce que c'est, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles sont les causes de la migraine. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement curatif de la migraine. Fait que tout ce qu'on dit, c'est les recherches qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait que ça pourrait changer demain, ça pourrait ne pas changer. Pour résumer, c'est une maladie qui a une composante génétique. Ça veut dire que si l'un des parents a le gène, ben, tu as une chance sur deux de l'avoir. Ça veut pas dire forcément que tu vas l'avoir. Deuxièmement, c'est une maladie qui nécessite deux composants. La composante génétique et les facteurs déclencheurs. Ça veut dire que même si tu as le gène, puis que tu as une hygiène de vie extraordinaire, puis que tu n'es jamais face aux facteurs qui déclenchent ta migraine, tu peux passer toute ta vie sans avoir de migraine. Donc, c'est vraiment, il faut les deux. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. La composante génétique et les facteurs environnementaux qui déclenchent la migraine. Mais là, tu me parles de ça, puis ça me rend curieux. Quels sont ces facteurs environnementaux? Ça peut être tout. Ça peut être le stress, le manque de sommeil, trop de sommeil, un régime alimentaire où il y a beaucoup de café, beaucoup d'excitants, beaucoup de, par exemple, chocolat, la menthe. Il y a beaucoup d'aliments qui sont excitants ou qui favorisent la circulation sanguine, qui favorisent le flux de sang dans le cerveau, qui sont bons pour la santé. Mais si on est migraineux, ces aliments-là, ça pourrait déclencher la migraine. Il y a aussi l'alcool, une forte sensibilité aux odeurs, une forte sensibilité au bruit. À la lumière aussi, à la lumière aussi, fait qu'il faut juste se connaître. Il faut savoir qu'est-ce qui... Ça va prendre du temps pour apprivoiser sa migraine, pour voir qu'est-ce qui déclenche ça, puis à l'éviter. Ça peut t'empêcher de vivre quasiment. Faut pas trop peu dormir ou trop dormir. Exactement. Mais être juste correct. C'est ça, être juste correct. C'est pour ça que je dis qu'il faut se connaître. Ben, des fois, on dit il faut 7 à 8 heures de sommeil par jour. C'est pas vrai. C'est pas... dans les études médicales, on dit tout ce qu'on étudie, toute la théorie, c'est juste 10%. Et puis les 90% restants, c'est du propre à chacun. Donc, il faut vraiment savoir comment on se sent après quelques heures de sommeil. Est-ce qu'on a besoin de 7 heures? Est-ce qu'on a besoin de 6? Est-ce qu'on a besoin de plus? C'est vraiment très, très personnel. Puis ça change d'un individu à l'autre. Ouais. Mais avant d'aller beaucoup plus dans ces directions, j'aimerais expliquer c'est quoi la migraine, puis c'est quoi la différence entre une migraine et un simple maux de tête. Une céphalée de tension, comme mon médecin. Une céphalée de tension, oui, une céphalée de tension ou des céphalées en casque, etc. Tout le monde a un moment ou un autre mal à la tête. Mais la différence entre un mal de tête et une migraine proprement dite, il y a autant de différences destructibles qu'entre une once de poudre et une bombe H de gros calibre. Oh, ouais. C'est tellement de monde différent. Un mal de tête, ça peut être soulagé par des antidouleurs, ou Tylenol ou de l'acétaminophène. Mais une migraine, ça peut durer entre 4 et 72 heures. On peut avoir, oui, une crise de 3 jours. La migraine, c'est un mal de tête qui concerne juste une moitié de la tête. Okay. On peut avoir mal à l'œil, mal aux dents, on peut avoir de la congestion, mais c'est juste un côté. Ah ouais. Puis ça peut changer d'un côté à l'autre. Des fois, on a le côté droit, des fois, on a le côté gauche. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un côté tout le temps. Puis des fois, pour les moins chanceux, moi y compris, ça peut commencer par un côté, puis quand ça commence à diminuer, hop là, ça se transforme à l'autre côté. Ça change de mal de place. Ça change de mal de place, exactement. Fait que ce qui aboutit à ce que la personne se retrouve... excusez le terme, mais handicapé pendant 2 à 3 jours. Ouais. Avec une sensibilité à la lumière, photosensibilité, une sensibilité au bruit, des vomissements, des nausées. La personne peut être étourdie, elle peut avoir des troubles de langage. Bref, la personne n'est plus fonctionnelle. Tu vis plus à ce moment-là. Tu vis plus. Non, tu vis plus. Prends congé au travail, c'est fini. Exactement. Mais la migraine, maintenant, est reconnue par une maladie qui nécessite un arrêt de travail. Ouais. Des fois, si on fait des migraines répétitives, mettons 3 ou 4 migraines par mois, il y a des médecins qui peuvent prescrire un arrêt de travail de 1 à 3 mois. Ouch. Parce qu'à ce moment-là, on devient en mal migraineux. On n'arrive plus à surmonter la pente. Il faut vraiment du repos pour le corps afin de lui permettre de remonter la pente. La migraine, elle peut être essentielle, ça veut dire sans origine connue. C'est cette migraine-là que la science, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelles sont les causes de la migraine, ou elle peut être une conséquence à quelque chose d'autre. C'est pour ça que, mettons, si du jour au lendemain, on commence à faire des migraines, ben, ça serait peut-être intéressant d'aller investiguer puis voir s'il n'y a pas une autre cause. La migraine, comme complication, elle peut survenir à des troubles de la vue. Elle peut survenir à une sinusite. Elle peut survenir, par exemple, à un traumatisme, mettons, après un accident, puis quelques mois après, on commence à faire de la migraine. Ben, ça veut dire qu'on a un problème dans la composante neuromusculosquelettique. Soit on a un muscle qui est trop tendu puis qui continuellement excite un nerf, soit on a un nerf qui est pogné entre un muscle et un os, fait que ça serait aussi intéressant d'aller voir de ce côté-là. Ça peut aussi être dû à des problèmes gastriques. Des fois, certaines intolérances alimentaires peuvent causer des vomissements et des nausées. Par la suite, elles peuvent déclencher une migraine. Fait que juste pallier à ces intolérances-là, on peut éviter le problème de la migraine. Donc, une fois qu'on a fait le tour, je dis toujours le tour des spécialités, on a vu un ophtalmologue, on a vu un otorhino-laryngologue, puis on a vu soit un chiropraticien ou un ostéopathe ou même un massothérapeute certifié, bien sûr. Si toutes ces parties-là, toutes ces composantes-là sont correctes, il n'y a pas de problème avec ça, c'est là qu'on parle de migraine essentielle. Donc, c'est la migraine essentielle, c'est le mal de tête qui est déclenché par les facteurs que j'avais cités tantôt. Et le gène, parce qu'il faut avoir les et deux. Et le gène, exactement. Donc, c'est pour ça, quand on élimine toutes les composantes, quand on sait qu'on n'a pas de problème ni au niveau de la vue, ni au niveau de la sinusite, etc. Donc là, c'est vrai, il s'agit d'une migraine. Parce qu'on s'entend, ça ne sert à rien d'aller faire un examen génétique complet, un profil génétique. Ça coûte très, très, très, très cher. Puis ça prend du temps à faire juste pour dire oui, j'ai une migraine. Donc, ce que tu sais probablement déjà. Ce que tu sais probablement. Parce que t'as les symptômes. Tout ça, ce que tu sais probablement déjà. Donc, si le mal de tête commence toujours par on a des nausées, on a des vomissements, on a des troubles de langage, on peut avoir des fois des vertiges, on n'est plus fonctionnel, puis le mal de tête, ça concerne une moitié de la tête, fait que là, vous avez plus de chances que vous êtes en train de faire des migraines. Il y en a qui font des migraines avec aura neurologique. L'aura neurologique, c'est un ensemble de signes, en plus, qu'on peut avoir 5 à 60 minutes avant le déclenchement de la crise. Soit on peut voir un point lumineux qui se déplace devant l'œil, mm-hmm. soit on peut voir comme une sorte d'éclair okay. qui n'existe pas, soit on peut avoir une double vue ou un vrai trouble de langage, comme on cherche ces mots, on a du mal à articuler, puis ça, ça ne dure pas très longtemps. Mais ça veut dire que là, on est en train de faire une crise de migraine. Il y a aussi qui ont des raideurs de la nuque. Tout à coup, la nuque est raide, ça fait mal. Fait que là aussi, ça peut être un signe comme quoi on commence à avoir les méandres de la migraine. Mm-hmm. Mais est-ce que, question stupide ici, parce que j'ai quelques-uns de ces symptômes-là, disons moi, personnellement, est-ce que tu peux avoir des migraines très, très faibles? Parce qu'il me semble que j'ai pas les symptômes de vomissement, etc., etc., t'sais. Oui, ça peut être une petite migraine? Oui, ça peut être une okay. petite migraine. C'est pour ça que j'avais dit, les migraines, ça dure entre 4 et 72 ouais, heures. C'est ça. Fait qu'il y en a qui peuvent faire des petites migraines, puis qui peut... 4 heures à la fois, là, quand oui, même, ça gère quand même bien. Oui, ça gère quand même bien. Puis il y en a qui sont les moins mal... les moins chanceux. qui, moi, j'ai des migraines... Quand mes migraines s'installent, c'est des crises de 48 à 72 heures. Wow. C'est vraiment... Ça me rend pas fonctionnel. Mm-hmm. Désagréable. Oui, c'est très désagréable. Tu dors tout le long? Oui. Et c'est très problématique quand on est dans un contexte d'études. Vous savez, quand on travaille, on peut prendre congé de travail, mais quand on est dans un contexte d'études, oui, on peut prendre congé, mais si on fait ça à répétition, fait que ça accumule beaucoup de retard, puis ce retard-là fait rentrer la personne dans un tourbillon de stress. Plus on est stressé, plus on est fatigué, ben plus oui. on fait de migraines, puis fait que là, ça en finit plus. Donc, dans un contexte d'études, c'est vraiment c'est très délicat. Et t'as pas de billet de médecin pour te permettre d'avoir tes notes quand même non, ton cours? Ça au contraire, tu peux avoir. Oui, parce que si on s'en va à l'hôpital, heureusement, aux urgences, on n'attend pas quand on a une crise de migraine. Ah oui? Oui, c'est vraiment parce que on sait que la douleur est atroce, puis il faut vraiment hospitaliser la personne. Mmh. Fait qu'on donne des médicaments par intraveineuse, puis tu passes toute l'après-midi ou la journée, puis après tu as un billet du médecin. Mmh. Fait que ça, au moins, c'est reconnu, mais... C'est désagréable, pareil, parce que ça te fait... Ça tu n'es pas fonctionnel pendant 2 ou 3 jours. Donc, c'est pas... Même si billet de médecin ou pas, ça change pas grand-chose ouais. au retard accumulé. T'es soigné un peu, mais quand même. Oui. Ouais. Maintenant, parlons des traitements. Quand j'avais dit qu'il n'y a pas de traitement curatif mm-hmm. pour la migraine... Ça arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais. Tout ce qui existe, c'est des traitements de crise. Ou des traitements de prophylaxie, c'est-à-dire le médecin peut prescrire des médicaments qu'on va prendre à tous les jours pour prévenir l'apparition des crises. OK, une petite dose. Une petite dose. Par exemple, on peut prescrire des antidépresseurs à très, très, très, très faible dose, comme Elavil. Puis il y a des personnes à qui ça a changé vraiment la vie. Ça espace les crises de migraine. Puis au lieu d'avoir une crise par semaine, on peut en avoir une par mois ou une ou 2 ou 3 mois. Quand même. Quand même. Il y a aussi ce qu'on appelle des bêta-bloquants. Comme j'avais dit tout à l'heure, la migraine, c'est quand il y a trop, pour vulgariser, c'est quand il y a trop de sang dans la tête. Ça commence toujours par une vasodilatation, les veines s'élargissent soudainement, puis soudainement tout de suite après, ils vont rétrécir. Fait que ce changement dans le diamètre des veines, ça déclenche la douleur. Pour que la crise s'installe, c'est toute une cascade de réactions chimiques qui implique les vaisseaux sanguins, les neurotransmetteurs et d'autres substances chimiques. Si on arrive à arrêter la cascade de la réaction, là, on peut éviter la crise, que la crise s'installe. Mais une fois que la crise est installée, ça veut dire que la cascade de réaction est allée jusqu'au bout. Trop tard. Puis c'est trop tard. C'est pas inversible. On peut pas l'inverser. Puis c'est là que les médicaments, même si on en prend, dans certains cas, ça ne sert plus à rien. Par exemple, dans mon cas, si la crise de migraine est vraiment installée, quoi que je prenne, ça ne fait rien. Mais t'as toujours tes pilules avec toi, j'imagine. Oui, quand tu vois un éclair ou un point, quelque chose comme ça. Exactement. Mais c'est parce qu'une fois que la crise est installée, c'est comme il n'y a aucun médicament qui soulage la douleur, même à l'hôpital. J'ai déjà été traitée avec de la morphine pour ça, et puis même à la morphine, la douleur n'a pas passé. Wow. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très important de se connaître, parce que la meilleure façon, c'est d'éviter que la crise ne s'installe. Une fois que la crise est là, on a juste à s'asseoir et attendre. Ouais. Oui, à s'asseoir dans le noir, dans le silence total et à attendre. Mmh. Donc, comme je disais, il y a des traitements de fond comme que les gens prennent à toutes les journées pour éviter justement que ça s'installe. Le problème, c'est que si c'est un traitement par des antidépresseurs, ça peut avoir des effets secondaires. Par exemple, on va dormir trop, on va fonctionner au ralenti. Fait qu'il faut vraiment parler avec son médecin puis lui expliquer ce que ça vous prend, votre journée, ce que vous faites dans la vie, pour voir est-ce que vraiment c'est un traitement qui est approprié, premièrement, à votre santé, puis deuxièmement, à votre routine de vie. Pour les bêta-bloquants, c'est des médicaments, justement, qui vont diminuer le flux de sang dans la tête ou dans le cerveau pour éviter le déclenchement de la crise de migraine. Mais si vous faites de la basse tension, il y a des gens qui ont une petite tension, puis c'est normal pour eux. Mais les bêta-bloquants risquent de diminuer encore plus votre tension. Okay. Fait que vous risquez d'avoir des chutes de tension artérielle, vous allez fonctionner encore beaucoup plus au ralenti, vous pouvez avoir une diminution du débit cardiaque. Fait qu'il faut tomber dans les pommes, j'imagine. Tomber dans les pommes, puis ça m'est arrivé. Moi, je prenais des bêta-bloquants, puis j'étais tombée dans les pommes. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est très important de parler avec son soignant, puis de ne rater, c'est là où il faut être vraiment exhaustif, de ne rater tout expliquer. Tout expliquer. Ouais. Pour choisir le traitement qui est le mieux approprié à la santé et aussi à ce que la personne fait. Par exemple, si tu es un patriote, tu ne vas pas prendre des bêta-bloquants parce que ça va réduire ta performance physique. Si, par exemple, tu fais un travail intellectuel intense, tu ne vas pas prendre des antidépresseurs parce que ça va diminuer tes facultés mentales. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment parler avec son praticien. On voit en pharmacie des médicaments comme Tylenol migraine. Oui. Qui sont faits, j'imagine, pour que tu les prennes sans en parler à personne parce qu'ils sont disponibles n'importe quand. Tu fais quoi avec ça? C'est des médicaments qui sont là parce que, justement, il y a des gens où tu peux prendre ça et puis ça peut... Des petites doses, ça. Des petites doses, ça. Oui, c'est des médicaments que, par exemple, quelqu'un qui fait une petite migraine de 4 à 5 heures, ouais. Il peut prendre ça et puis ça fait disparaître le mal de tête. Des bébés migraines. Oui, des bébés migraines. Aussi, c'est des médicaments qui agissent de cancer avec les antimigraineux. Maintenant, si on prend du sumatriptan, qui est un médicament pour traiter la crise de migraine, la crise qui est en train de s'installer, ouais. Pas la crise qui est vraiment là. Ouais. Si on prend un sumatriptan puis on prend avec un Advil, fait que c'est comme si l'Advil y accentue l'effet du sumatriptan. Fait que ça va faire que ça va mieux marcher encore. Okay. Et c'est pour ça que c'est des médicaments qui sont en vente libre. OK. Pas le sumatriptan, les Advil, mais l'autre médicament, les antimigraineux, c'est des médicaments que soit le médecin peut prescrire ou même l'infirmière clinicienne peut prescrire. Mais ça, ils prescrivent pas ça à n'importe qui. Il faut que tu aies vraiment les symptômes exhaustifs que tu as dit tantôt. Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un pourrait se prendre ça pour se droguer? Non, sûrement pas. Non, ça, ça fait rien pour se droguer. Ouais. Pour la suite, je ne vais pas donner de conseils, mais j'aimerais partager mon expérience personnelle avec les auditeurs, oui. Puis peut-être que ça pourrait aider. Moi, j'étais quelqu'un qui avait de une à deux crises de migraine par semaine. Par semaine? Par semaine. C'était vraiment très handicapant. Comme que tu imagines, j'étais toujours en train de rattraper mon retard. Puis là, hop, une autre crise. Bon. J'ai tout essayé. J'ai essayé les antidépresseurs, j'ai essayé les bêta-bloquants, j'ai essayé toutes sortes de cocktails d'anti-migraineux. Il n'y avait rien qui marchait. Une fois que la crise était là, il n'y avait rien qui marchait. Puis j'ai appris à apprivoiser ma migraine. Tu sais, je t'avais dit tout à l'heure que la mémoire est une faculté qui oublie. Mmh. Moi, j'avais tenu un carnet. Ah. Qu'est-ce qui déclenche mes crises de migraine? Toute la journée, tu écrivais ce que tu faisais. Bon, là, j'ai mangé une pomme. Non, en fait, c'est quand j'ai eu migraine, tout de suite après, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait avant d'avoir cette migraine-là? Après ta migraine, donc 48 à 72 heures après. Oui, après mes migraines. Qu'est-ce que j'avais fait avant d'avoir cette migraine? Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché mes migraines? Puis c'est là que j'avais appris, par exemple, ça m'a pris du temps pour me rendre compte que j'étais intolérante aux champignons puis que ça déclenchait aussi mes migraines. Donc tu mangeais des champignons une à deux fois par semaine? T'es intense, ça? Entre autres. J'en mangeais pas autant, mais entre autres. Fait que, comme moi, c'est tout ce qui est bruit, tout ce qui est... l'odeur de l'alcool, mais je consomme pas d'alcool, mais si je suis dans une atmosphère qui sent vraiment l'alcool, là c'est... Disons tous les matins de semaine près de la chasse-galerie. Oui, j'évite ça. Ça m'est déjà arrivé quand je travaillais pour la GE, une fois ça m'est déjà arrivé de ne pas venir travailler parce que ça sentait trop l'alcool dans le corridor. Je pouvais pas. Le stress, si je dors pas bien, si je dors mal, si je ne dors pas, si je dors trop... en fait, j'ai réussi à savoir tout ce qui me rendait fragile pour avoir une crise de migraine. Mmh. Et aussi, j'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs, même avant l'aura. Je sais que je suis en train de faire des méandres de migraine. Fait que là, dès que je sens ça, j'arrête tout. OK. Tout, même si j'ai un examen, même si j'ai quoi que ce soit, j'arrête vraiment tout. Mmh. Puis je prends mes médicaments et je dors 30 minutes à une heure. OK. Faut vraiment que j'arrête tout. Et là, la crise s'installe vraiment. Ah ouais? Oui. J'ai toujours des petites crises qui cèdent à un seul comprimé d'anti-migraineux puis un Advil, puis ça part. Mmh. Mais là, je parle des grosses crises de 48 heures à 72 heures. Ça fait une année que j'en ai pas fait. OK, wow! C'est la première fois de ma vie que Bravo. Ça m'arrive. Ça fait 15 ans que je fais de la migraine, puis c'est la première fois que ça arrive. Parce que je me disais, bon, j'aime mieux perdre, mettons, une après-midi, mm-hmm. si je suis en train de faire des choses qui sont importantes pour mes études ou pour le travail ou pour mes implications, j'arrête tout. Je suis mieux de perdre une après-midi que de perdre deux ou trois jours dans le Absolument. Au lieu. Est-ce que tu as un petit panneau chez toi, genre zéro jour depuis la dernière migraine, non? Non. Le dernier accident. Ça serait vraiment cool. Pas pire. Ça serait pas pire. Il y a aussi le thé du Labrador qui aide énormément. Du Labrador? Oui, le thé du Labrador. Comme au Canada ou le chien? Comme au Canada. Je sais pas. Non, le Labrador du Canada. Transporté dans un petit baril autour de son cou, là, comme un salaire. Ça, j'ai découvert à mon dernier voyage à cette île. Puis on nous en avait donné. Puis là, j'ai fait une petite recherche. Puis on disait que ça avait aussi des vertus anti-inflammatoires puis des vertus contre la migraine. Et ça marche. Comme quand je prends mes médicaments, je me fais aussi une tisane, mm-hmm. une tisane du thé de Labrador. Et ça marche. Ça marche vraiment à merveille. On se procure ça localement ici ou il faut absolument aller à cette île? Non. On peut se procurer ça localement. Mais c'est ça. Mais si la crise est installée, là, il n'y a plus rien qui marche. Je le sais. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est connaissez-vous. Tenez un carnet, c'est pas bête. Tenez un carnet, puis écrivez tout ce qui cause vos crises de migraine, tout ce que vous croyez que c'est, on va le dire en bon anglais, des trigger points pour votre migraine, puis essayez d'éviter ça. Il n'y a pas mieux qu'une bonne hygiène de vie si on est migraineux. L'hygiène de vie, c'est notre meilleur ami. Fait qu'il faut vraiment avoir dans la mesure du possible, une routine qui est régulière. Des repas réguliers, des heures de sommeil régulières, puis je ne veux pas dire des activités régulières parce que c'est... Ça change dans la vie. Mais le plus important, les repas, le sommeil, de l'activité physique, mais je ne vous dis pas d'aller courir à un marathon. Si on peut juste marcher 20 minutes, 20 à 30 minutes par jour, c'est extraordinaire. Puis ça, vous allez voir que ça va faire un grand changement dans la vie d'un migraineux. Et évidemment, avoir un médecin. Oui, évidemment, avoir. Oui, bien sûr, il faut aller consulter parce que il vous faut avoir vos pilules anti-migraineuses tout le temps avec vous. Parce qu'une fois que vous sentez que ça va pas, n'attendez pas. Des fois, moi, je disais, OK, bon, peut-être ça va aller. Peut-être ça... Non, il faut pas attendre. Non. Ça va pas. Tu le prends, t'arrêtes tout, puis tu te reposes. Comme un pèse. Plink dans la bouche. Exactement. T'arrêtes tout, puis mieux vaut perdre une demi-journée que de perdre deux ou trois jours. Ça s'additionne, hein, au bout d'une année, si tu perds deux ou trois jours par... Par semaine. T'en avais des méga deux fois par semaine, hein? Oui. Wow. Il y en avait que des fois, j'en avais deux fois par semaine. Invivable. C'est presque toute la semaine, finalement. C'est presque toute la semaine, ouais. Exactement. C'est presque toute la semaine que tu es malade. Tu profites de ta fête de semaine, dans ce temps-là? Ouais, mais il y a aussi... Oui, il y a aussi une sorte de migraine qu'on appelle la migraine de fin de semaine. Ah. Aussi, si on vit une semaine très stressante où on maintient le niveau d'activité et le niveau de stress, puis hop, on tombe la fin de semaine, on fait rien, là, on peut avoir aussi une migraine qui s'appelle la migraine du week-end. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir une hygiène de vie, puis il faut avoir comme équilibré. Maintenant, si vous êtes habitué à vous réveiller chaque jour à 7 heures, puis que la fin de semaine, vous vous réveillez à 11 heures ou midi, c'est sûr, pour un migraineux qui va avoir une migraine ou une micro-migraine, parce qu'il y a un changement drastique dans les heures de sommeil du jour au lendemain. C'est pour ça que il faut vraiment garder dans la mesure du possible son hygiène de vie concernant le sommeil et les habitudes alimentaires. Mmh. Aussi, un de vos plus gros ennemis si vous êtes migraineux, c'est le café. Parce que c'est un excitant. Tout ce qui est excitant, tout ce qui est café, Red Bull, les boissons Rise, le thé, tout ce qui est excitant, tout ce qui est censé augmenter le débit sanguin dans la tête peut être votre ennemi. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en prendre. C'est juste que dans des conditions où vous êtes, mettons, un peu plus stressé, vous êtes beaucoup plus susceptible que le café ou le Rise, par exemple, ou le Red Bull produisent une migraine que dans une journée où vous êtes zen, relax. Aussi, si vous consommez beaucoup de café, fait que là, il faut voir comment réduire cette consommation de café. Parce que vous avez plus de chances de maintenir votre migraine avec ça. Mais tant, si réduire vous êtes, ou arrêter? Réduire. Okay. Parce que aussi, il ne faut pas tomber dans le problème du sevrage. On ne veut pas le café. Oui. Donc, si, mettons, on est... Moi, à un moment donné, j'étais à 8 cafés par jour. Ah, wow! 8. Oui. C'est ça. Mais... Et là, je suis à un ou deux cafés maximum. Oui, c'est raisonnable. Ouais. Oui, c'est raisonnable. Mais il ne faut pas faire ça du jour au lendemain parce que vous allez avoir d'autres maux de tête avec ça. Fait que c'est, on y va régulièrement. Maintenant, si on prend 5 cafés par jour, fait qu'à une semaine, on va essayer de prendre 4. L'autre semaine, on va prendre 3. Puis 2 semaines juste avec 3. Puis l'autre semaine avec 2 cafés. Et au bout d'un mois, on va avoir passé 5 cafés à 2 cafés par jour. Ça, c'est raisonnable. Si jamais vous ne pouvez pas vous en passer parce que vous aimez ça, le café, vous aimez le goût, ben vous pouvez opter pour du café, du décaféiné. C'est très bon aussi. C'est aussi bon, il n'y a vraiment pas de différence. Je doutais au début, j'en avais jamais pris jusqu'à il y a peut-être un mois. C'est super bon, du décaféiné. Oui, c'est du café, c'est aussi bon. Sauf que pour ça, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas dire, OK, donc c'est du décaféiné, fait que moi, je peux en prendre 10 par exemple. Ouais. Sachez que... Il n'existe pas du café décaféiné à 100%. C'est ça. Tous les procédés industriels qu'on a, ils laissent des traces de caféine. Fait que si vous prenez un gallon de café, à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver avec une dose de caféine dans le sang. Il faut juste y aller mollo, puis... C'est la caféine réduite et non pas décaféinée. Exactement, c'est de la caféine très réduite, mais pas du décaféiné à 100%. Ouais. Hey, tu sais, je sais pas si t'as vu chez McDonald's que tu sais, il y a le Big Mac, t'as le méga Big Mac puis le petit Big Mac qui s'en vient. Fait que pour la migraine, il faudrait faire la même affaire. T'as comme une migraine, t'as une full graine. Ouais. T'as une mini graine, ouais. Ça marche pas vraiment côté. T'as toute la patente. Mais tant t'as le jackpot, t'as juste quelques numéros de gagner, puis t'as toute la t'as toute la combinaison, puis t'as le jackpot de 60 millions, c'est ça. Le complémentaire. Oui, et le complémentaire. On peut voir ça comme ça. Il me reste 2 points concernant la migraine. Aussi, un des facteurs déclenchants pour les femmes, malheureusement, c'est des troubles hormonaux. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de femmes ont des migraines quand ils ont leur menstruation, parce que c'est une période où il y a un chamboulement total dans les taux de migraines, les taux d'hormones dans le sang, puis ça peut déclencher aussi une migraine. Pour ça, ben, vous connaissez votre cycle, vous savez quand est-ce que vous allez avoir vos menstruations, puis la semaine d'avant, il faut réduire, il faut aller mollo avec le café, il faut dormir encore plus, ne pas s'exposer à un stress supplémentaire, ne pas s'exposer à beaucoup de bruit. Fait qu'essayez d'éliminer tous les autres facteurs pour au moins, parce que le facteur hormonal, c'est pas un facteur qu'on peut éliminer, à moins qu'on décide de prendre des contraceptifs oraux pour ça. Il y en a qui prescrivent justement des contraceptifs oraux pour les filles. Pour les migraines? Pour les migraines. Ah ouais. Oui, puis c'est des contraceptifs sans léger. Et le but, c'est juste de garder le même taux d'hormones tout le mois. En continu, hein? Oui, en continuant, okay. pour éviter cette fluctuation hormonale. Mais toujours est-il, si on ne prend pas des contraceptifs oraux, ça aussi, c'est un peu controversé, mais parlez à votre médecin. Si vous ne les prenez pas une semaine avant vos menstruations, faites beaucoup plus attention. Ne vous exposez pas trop à la lumière, ni au bruit, ni au stress. Dormez bien, mangez bien, puis bougez. Et ayez vos médicaments à la poche tout le temps, ouais, avec vous. À portée de main. Mm-hmm. Il te reste un autre point, t'as dit? Oui, l'autre point, c'est que... Oui, c'est ça. Vous pouvez des fois entendre qu'une femme qui a été migraineuse, puis quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas fait de migraine pendant les 9 mois. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, les migraines disparaissent avec la grossesse. Tout simplement parce que les hormones du cycle menstruel, ils sont stables. Il y a d'autres hormones qui sont en fluctuation, mais les hormones du cycle menstruel, ils sont stables parce que la femme est enceinte. Ça revient à la pilule en continu, finalement. C'est ça, ça revient à la pilule en continu. Mais plusieurs femmes qui faisaient la migraine, puis qui sont tombées enceintes, n'ont pas fait pendant les 9 mois de la grossesse, puis ont repris. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps 10 enfants dans le temps. Hein. Tout le temps en migraine, fait qu'il fallait tout le temps qu'ils fassent des enfants. Ouais. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est ça. Si, un mot pour finir. Je dirais que heureusement maintenant, la migraine est reconnue comme une maladie, puis 12% de la population est migraineuse, deux fois plus de femmes que d'hommes, malheureusement. Ah ouais? Oui, mais au moins maintenant, on reconnaît que c'est un mal handicapant, puis ce n'est plus un moyen pour juste fuir ses responsabilités sociales ou les responsabilités conjugales ou les responsabilités au foyer. Avant, c'était aussi très dur pour la personne qui faisait des migraines. Ouais. Le regard de la société, ah non, c'est juste un mal de tête, puis la personne, elle fait semblant. Mais maintenant, c'est reconnu que non, c'est vraiment handicapant et la personne ne fait pas semblant. C'est une vraie maladie qui nécessite un arrêt de travail. Mmh. Une chance que Donald Trump a banni les migraines. Non, ça, c'est les migrants. Quand même. J'étais à ça de l'heure. Merci à la Seigneur Couillé sur ce mauvais gag. C'est moi qui te remercie. Oui. On te retrouve dans 2 semaines, les lundis matins à 8h. Oui, exactement. Pour la chronique Le Bus Magique. C'était fascinant. Comme toujours, on apprend des millions de choses. Merci beaucoup. Ça fait mal à la tête. Il va falloir prendre une Tylenol migraine. Ça n'a pas de sens. Merci. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Alors, retour de la pause. Plus de C'est un fait. Et on a, après ça, l'ADN de Pitch et le Startup Weekend avec Philippe Compagnon qui s'en vient dans quelques minutes. Assemblage requis. Restez. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Assemblage pour toi aujourd'hui. C'est à Assemblage Requis, on se le dit, 6 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante et Tania Baudin va être de retour demain, probablement, espérons-le, parce qu'elle manque de voix. Elle va être quand même au bureau tantôt, mais Caroline, on ne peut pas faire de radio quand on n'a pas de voix, c'est de même. C'est notre métier qui en dépend. Dans quelques instants, on va recevoir vers les 9h Philippe Compagnon pour parler d'ADN d'un pitch et du Startup Weekend. Mais avant ça, pendant qu'on a le temps, on va faire du C'est un fait. Et comme on a encore plus de temps que ça, on va entendre une troisième demande spéciale de notre ami David Perron qui m'en a envoyé 3.

C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet et sur son surassemblagerequis.com. On commence avec les péritons. Péritons, P-E-R-Y-T-O-L-S. C'était des signaux radio mystérieux détectés seulement au, dans le télescope Parkes Radio Telescope. On a appris finalement que c'était à cause de l'ouverture prématurée d'un micro-ondes, de la porte de micro-ondes au centre des visiteurs. Donc quelqu'un qui ouvrait la porte avant que le décompte soit terminé faisait envoyer des ondes qui étaient prises comme des ondes radio. Comme étonnant. Il y a un resort, tu sais, un petit village qu'on appelle près de Disney World et qui est seulement pour les enfants en maladie terminale et pour leur famille. Il n'y a pas de liste d'attente. Ils ne renvoient jamais aucun enfant. Ça a été démarré par un survivant de l'Holocauste. Ça s'appelle Give Kids the World Village. Donc, c'est un resort OSBL sans but lucratif à Kissimmee-Saint-Cloud, Kissimmee-Truc en Floride pour les enfants qui ont une maladie qui menace de les faire mourir très bientôt. Ça a été fondé par Henry Lenworth, un survivant de l'Holocauste belge qui a passé 5 ans à Auschwitz dans le camp de concentration de Mauthausen. Il s'est envenu aux États-Unis où il a étudié en gestion hôtelière. Il opérait un hôtel près de Orlando et il a découvert une passion pour aider les enfants malades et puis les envoyer en vacances comme c'était leur rêve. Les humains sont les meilleurs coureurs d'endurance dans le royaume animal. Sur une longue distance, un humain pourrait courir plus que n'importe quel autre animal sur la planète. Une femme a poursuivi le distributeur du film Drive de 2011 et le cinéma où elle a regardé le film, disant qu'il avait très très peu de conduite. Le film Drive en 2011. Le président Andrew Jackson a déjà fait livrer un bloc de fromage cheddar à la Maison-Blanche, un bloc de 4 pieds de diamètre et 2 pieds d'épaisseur. Il pesait presque 1400 livres. Il a invité 10 000 visiteurs à la Maison-Blanche pour le manger et en dedans de 2 heures, le bloc de fromage au grand complet était mangé. Le président Andrew Jackson, amateur de fromage et pas intolérant au lactose. Carrie Fisher, vous connaissez peut-être, a déjà dit à ses fans « Peu importe comment je quitte le monde un jour, je voudrais qu'on dise que je me suis noyé à la lueur de la lune, étranglé par ma propre brassière. » Elle avait beaucoup d'humour, Carrie Fisher. C'était Princesse Leia et dans Star Wars. La phrase qu'on dit souvent, il faut le voir pour le croire, « Seeing is believing », laisse tomber la moitié de la phrase d'origine. La phrase au complet d'un homme du clergé anglais du 17e siècle, Thomas Fuller, était « Seeing is believing, but feeling is the truth ». Donc, il faut le voir pour le croire, mais il faut le ressentir est la vérité. Voilà. L'espace n'est pas si loin que ça comparé à ce qu'on pense. La barrière est définie comme étant à 100 km par en haut, 62 miles, voulant dire qu'on pourrait s'y rendre en dedans d'une heure si on pouvait conduire notre véhicule vers le haut. Les gens trouvent que c'est difficile de maintenir un contact visuel pendant qu'ils parlent, possiblement parce que c'est difficile, il y a une tâche double à maintenir, donc il faut maintenir le contact visuel tout en fouillant son cerveau pour trouver des mots. Apparemment, c'est trop demandant pour certains. Donc le cerveau va t'empêcher de regarder la personne dans les yeux pour focusser exclusivement sur trouver le mot pour parler à la place. Donc c'est pour ça apparemment qu'on ne regarde pas tout le temps les gens lorsqu'on parle. Les lézards ne sont pas capables de respirer et de marcher en même temps. Ils s'arrêtent pour respirer, comme moi quand je monte des escaliers, c'est quoi. Lorsqu'ils hurlent ensemble, les loups vont hurler à différentes notes pour aider à créer l'illusion qu'il y a plus de loups qu'il y en a dans la réalité. Hurler, donc une fréquence entre 150 et 780 Hz, c'est 12 notes reliées harmoniquement. Le pitch reste constant, varie un peu et peut changer de direction 4 ou 5 fois. Lorsqu'ils hurlent ensemble, les loups vont faire de l'harmonisation sur la même note pour créer l'illusion qu'il y a donc plus de loups. Hawaï a une horloge sur un poteau qui est arrêtée à 1h04 du matin dans un parc. C'est pour rendre hommage aux 61 personnes qui sont décédées là-bas en 1960 quand un tsunami de 20 pieds a frappé la place. L'horloge a été arrêtée par la vague en tant que telle et on n'a pas réactivé l'horloge. Ensuite, le record pour le plus de passagers à avoir été transportés dans un avion commercial est de 1088 par un EIAI Boeing 747. C'est ça? EIAI ou ELAL? On ne sait pas, c'est des L minuscules et les I majuscules. Bref, un Boeing 747 pendant l'opération Solomon où on évacuait les Juifs éthiopiens de Addis Ababa d'Éthiopie. En Éthiopie, oui. Et ça a débuté le 24 mai en 1991. Et le chiffre contient 2 bébés qui sont nés pendant le vol. Donc, ça aurait été 1086, c'était pas de ces bébés-là. En 1970, alors qu'elle était la femme la mieux payée à la télé, avec 42% du public télévisé qui la regardait, Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, dont on a parlé tantôt, a démissionné de son émission parce que NBC passait des publicités de cigarettes pendant sa case horaire. Elle était l'actrice la mieux payée, 42% du public télévisé qui regardait la télé, donc la regardait. Souvent, avant qu'une personne meure d'hypothermie, ils vont vivre une espèce de coup de chaleur extrême. Et ça fait qu'ils vont vouloir se déshabiller. On appelle ça le paradoxical undressing, donc le déshabillage paradoxal, je dirais, si on veut. Donc avant de mourir d'hypothermie, on a super chaud. En 2013, un étudiant universitaire de 19 ans est mort en buvant un quart la quantité, là, comme je sais pas si c'est... on va convertir, voir. Une cups, qu'est-ce que ça veut dire? Quart to cups. On va voir. Ça fait 3,78 tasses. Okay? Donc, il a bu un quart de sauce soya. C'était un défi qu'on lui avait lancé. Il a maintenant le record pour le plus grand taux de sodium dans le sang jamais mesuré sans avoir aucun dommage au cerveau par la suite. C'est quand même assez spécifique comme record. Le plus haut taux de sodium dans le sang mesuré sans dommage au cerveau. Étant donné que les services secrets, oui, n'ont pas le droit d'entrer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ils ont transformé le plancher en une gigantesque pesée numérique pour pouvoir savoir où est le président en tout temps. Selon le Huffington Post. Quand même un secret, quand même assez cool. L'article est vraiment bien sur assemblagerequis.com. Si vous allez dans le fait, il y a le lien vers l'article du Huffington Post qui s'appelle « Top 7 Coolest Secrets of the Secret Service ». Ensuite, il y a une ville en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Brightwater qui avait 5 lumières, des lumières dans les rues là, électriques en 1911 qui fonctionnaient avec une génératrice hydroélectrique qui était autocontrôlée par des poulets. Donc, le soir, la nuit, les poulets entraient dans leur cage et leur poids causait un circuit électrique entre le plancher et la cage, ce qui allumait les lumières de la ville. Hein? Bonne idée, ça, quand même, hein, monsieur le maire? En 1950, il y a un chien qui vivait sur le campus de Tennessee Tech University. Un ancien président de l'université a déjà dit « et maudit » devant le chien « et damn it » devant... il disait « damn it » au chien devant la foule. Il a couvert ça en disant que c'était le nom du chien. Donc, « damn it » est devenu le nom du chien, qui a maintenant sa propre pierre tombale juste à côté d'une borne fontaine qui, borne fontaine en passant, est toujours fonctionnelle de nos jours. C'est dans les années 50 qu'il y avait un chien... je sais pas si on dit de gouttière, là, mais un chien sans propriétaire qui vivait sur le campus de l'université. Le chien a maintenant sa propre pierre tombale sur le campus, juste à côté de Derryberry Hall. Maintenant, un super-héros que vous ne connaissez peut-être pas, The Wall. Le mur, il y a un quiz en ce moment sur NBC, The Wall, c'est pas ça. Donc, c'est un super-vilain de Marvel qui était un gros morceau de mur sans bras. C'est juste un mur qui bougeait, avec une face dans brique, des jambes. Boire du café quotidiennement, ça baisse le risque de suicide par 50% chez les hommes et les femmes, selon une étude. Les chercheurs expliquent que la caféine non seulement stimule le système nerveux central, mais agit aussi comme un léger antidépresseur. Wow! C'est bon à savoir, ça. Ensuite, les derniers mots de l'auteur de James Bond, Ian Fleming, étaient une excuse à son conducteur, son chauffeur d'ambulance, pour lui avoir causé du stress ou du trouble en disant « Je m'excuse de vous avoir troublé, messieurs. Je sais pas comment vous faites pour voyager aussi vite avec le trafic sur la route de nos jours. » Et c'était les derniers mots de l'auteur de James Bond, Another comes. Deux familles se sont échappées par-dessus le mur de Berlin en construisant une montgolfière. Un mécanicien et un franc-maçon, je crois qu'on dit en français, ont utilisé leurs connaissances mécaniques pour construire un moteur de montgolfière avec de vieux cylindres de propane. Leurs femmes ont assemblé un ballon avec de vieux morceaux de canevas et de vieilles couvertures de lit. Et on a donc construit une montgolfière. Un montgolfière, hein? Montgolfière. On dirait que je suis pas sûr. Attends. Wiktionnaire, on va aller voir ça. Ça m'intéresse, j'aime ça savoir en même temps que vous si les choses sont comme je le pense. Féminin, une montgolfière, d'accord. Ensuite, une femme qui est une infirmière, ça c'est vraiment un de mes faits préférés. Une femme qui est une infirmière en tant que telle dans la vie regardait l'émission Flip or Flop sur HGTV. Okay? Une émission où on flippe pour pouvoir vendre, tu sais, on redécore la maison, je pense que c'est ce genre de truc-là. Elle a remarqué une bosse sur le cou de l'animateur de l'émission. Elle a envoyé un courriel à la compagnie de production pour leur dire ça. et l'animateur finalement avait un cancer de la thyroïde. C'est une infirmière qui regardait la télé qui a remarqué ça. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Et en 1976, pour terminer, Sesame Street a diffusé l'épisode qui a tellement fait peur aux enfants qu'ils ont promis de ne jamais le rediffuser. Et ils ne l'ont jamais rediffusé. C'est le 10 février 1976. L'épisode 847 de Sesame Street mettant en vedette Margaret Hamilton qui reprenait son rôle de la méchante sorcière Wicked Witch of the West du film classique de 1939 The Wizard of Oz, le Machine Oz. Un grand nombre de plaintes ont été faites concernant cet épisode-là dans une courte période de temps. Plusieurs parents disaient que leurs enfants criaient et pleuraient parce qu'ils avaient peur de la sorcière. Même si l'épisode a été diffusé, il y a une très petite chance que le public va pouvoir revoir ça un jour, considérant que l'épisode a probablement été détruit parce qu'on avait peur qu'il soit rediffusé par erreur. Donc je sais pas si ça va finir dans un musée si quelqu'un l'avait enregistré. C'est souvent ce qui arrive. Un musée finit souvent par mettre la main sur ses épisodes perdus. Donc on va voir un jour peut-être l'épisode de 1976. Vous pouvez aller voir un petit article de journal parlant de la diffusion de cette émission-là sur assemblagerequis.com. Wicked Witch to Drop Broom on Sesame Street. Ça fait les journaux à l'époque. Voilà, c'est tout pour cet effet. Les liens sont évidemment sur assemblagerequis.com. Il nous reste encore un petit peu de temps dans cette demi-heure. Tout à l'heure, on va accueillir Philippe Compagnon pour parler de ADN, d'un pitch et du Startup Weekend. Mais avant ça, j'aimerais ça aller me renseigner un petit peu sur ce qui se passe sur le campus de l'UQTR avec notre Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Innovation et développement économique de Trois-Rivières lance le concours Vise dans le mille. Ce concours permettra à un projet d'entreprise la possibilité de gagner une bourse de démarrage. Trois catégories sont disponibles: idée d'affaires, pré-démarrage et nouvelle entreprise. Pour plus de détails, allez sur visedanslemille.com. La période d'inscription se termine le 23 février. Notons que l'UQTR collabore au projet. Vous souhaitez faire connaître votre projet de maîtrise ou de doctorat? L'AGE-UQTR organise le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. L'événement aura lieu le 26 mars prochain. Une bourse de 200 $ sera remise au projet sélectionné. Pour soumettre le vôtre, il faut envoyer un résumé de 250 mots avant le 19 février 23h59 à cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Les 22 et 23 mars prochains aura lieu le concours d'affiches scientifiques de l'UQTR. Ce concours est ouvert aux étudiants de tous les cycles. Pour vous inscrire, il faut aller au uqtr.ca/affiches au pluriel et la date limite d'inscription est le 27 février à 23h59. Le poste de la vice-présidence aux finances et développement de l'AGE-UQTR est ouvert. Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae et lettre de motivation d'ici le jeudi 9 février à 17h au local 10, 22 ou 10 23 du pavillon de la vie étudiante. L'élection aura lieu le dimanche 12 février dès 17h au 2083 pavillon Ringuet. Le 23 janvier dernier, la délégation de génie industriel de l'UQTR s'est démarquée lors du congrès annuel de l'Institute of Industrial and System Engineers. Elle a remporté 3 podiums, dont une première place pour l'épreuve études de cas. Nos félicitations aux gagnants et gagnantes. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est toujours écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, qui avait de la voix au moment où cette capsule a été enregistrée, ce qui n'est plus le cas en ce moment. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle va être de retour demain. Dans quelques instants, je le mentionne depuis le début de l'émission, Philippe Compagnon va être là pour plein de choses. On va parler de son nouveau poste à UQTR, ainsi que du Startup Weekend et d'ADN Pitch. Je suis en train de lui parler en ce moment de ça et ça a l'air vraiment intéressant, donc on en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, en musique, on écoute Jet Cool sur le palmarès francophone. Voici À la plage sur Assemblage. couler à la plage. Assemblage requis sera de retour après la pause. Assemblage requis aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis ce lundi 6 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Bonin va être de retour demain. Encore une fois, je le répète, elle n'a pas de voix. Fait que même si elle voulait passer nous dire bonjour, elle ne pourrait pas. C'est bien dommage. Donc, espérons qu'elle va être en forme demain. Je mentionne depuis le début de l'émission, tantôt, Philippe Compagnon va être là pour nous parler d'ADN de Pitch et du Startup Weekend. On va peut-être même revenir sur le spectacle de Princesse qu'on a vu hier. On verra. Mais avant ça, on écoute Wilfred and the Grown Men. Hein? Des adultes, des spectacles de Princesse. Voici I'll Never Understand tout de suite à Assemblage. I'll never understand why. I'll never understand why. I'll never understand why, why. No, I'll never understand why. Set up so bad, and I'll never understand. C'était Wilfred and the Grown Man avec la pièce I'll Never Understand Why à Assemblage Requis sur C'est Fou. Ah, maintenant, sur ce beat très très calme, Colin, c'est le moment de parler de choses sérieuses, mais pas trop non plus, avec Philippe Compagnon, qui est avec nous, qui est le coordonnateur du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR. Bonjour à toi. Bonjour Mathieu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Ben, ça fait pas si longtemps, on s'est vu quand même. Oui, en ondes, je parlais. En ondes, ça fait presque un an, t'as bien raison. Absolument, mais on se voit une fois de temps en temps pour différentes raisons. Oui. Et aujourd'hui, tu viens nous parler premièrement de ton nouveau poste à l'UQTR. C'est récent, ça fait depuis quand que t'es à ce poste-là? Écoute, je viens pas parler de mon nouveau poste, Mathieu, je viens parler du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation. OK, de la nouvelle entreprise. Je veux pas faire mousser, mais c'est ça, exactement. Je veux parler du Carrefour. Écoute, je te dirais que le Carrefour a vu le jour ici à l'UQTR en juillet. Okay. Et on est rattaché au service aux étudiants depuis à peu près quelques mois, septembre ou octobre, là, j'ai un petit blanc. Cet automne. On est rattaché au service aux étudiants et le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, c'est carrément une antenne pour stimuler l'entrepreneuriat auprès des étudiants ici de l'UQTR et des nouveaux diplômés qui sont diplômés depuis moins de 5 ans. Okay. Et qu'est-ce que vous offrez comme programmation, comme activités? OK. Ben, grosso modo, comme je te l'ai dit, on veut stimuler, accompagner, soutenir, encourager l'entrepreneuriat, peu importe le niveau où est-ce que tu es rendu et peu importe le programme dans lequel tu t'étudies. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as déjà eu une idée de te partir en affaires ou tu souhaites être travailleur autonome, parce que, je vais donner un exemple, juste en santé, il y a beaucoup, beaucoup de cohortes en santé, je pense à chiro, je pense à kiné, qui risquent d'être travailleurs autonomes dans leur vie, donc on peut t'accompagner là-dedans, savoir un peu comment on part sa clinique, comment on monte son plan d'affaires. Donc, on fait ça, mais aussi, on participe à des événements, donc on veut faire une programmation pour tous. Et puis, dans notre programmation, on a des spécificités, ça peut s'adresser au niveau éducatif, mais ça peut être aussi, on peut aussi fournir des outils un peu plus spécifique, je te dirais. Ouais. On va parler justement de quelques activités tantôt. Mais mettons que quelqu'un veut se partir. Est-ce que vous êtes du genre à leur dire quand ça fonctionne pas? Est-ce que vous êtes honnête? C'est genre, bon, quelqu'un veut se partir à un restaurant à Trois-Rivières, mettons? Non, on est tout à fait malhonnête. Ouais. Oh, parle-là ton restaurant, tu vas te mettre millionnaire. Non, pas du tout, Mathieu. Mathieu, ce qui est important, là, c'est qu'on n'est pas là pour péter des ballons, mais on n'est pas là non plus pour en souffler. Ce qui veut dire qu'un étudiant qui viendrait me voir avec une idée, faut pas oublier que quand tu veux te partir en affaires, tu peux partir d'une idée tout à fait saugrenue dès le départ et il n'y en a pas d'idée saugrenue. C'est ça. Et tu vas arriver. Juste des gens saugrenus. Il y a plus encore là. Et à partir du moment où tu as une idée, juste une idée, ben nous, on va t'accompagner là-dedans. Et probablement qu'à la fin, quand ton projet d'affaires va voir le jour, ça sera pas. Probablement pas du tout l'idée de départ que tu avais eue, mais tu vas avoir évolué parce que moi, je suis là pour t'accompagner, mais pour te donner aussi des outils qui vont te permettre de peaufiner cette idée-là pour te rendre compte éventuellement que ça se peut que ça se puisse pas, mais tu vas la transformer, la modifier, et tous les projets d'affaires partent d'une idée, peu importe, comme je te dis, que ça soit saugrenu ou pété ou original, pour arriver à quelque chose de potentiellement commercialisable, on va dire ça comme ça. Ça ressemble un petit peu à la Technopole dans le temps, mais j'imagine que c'est pas la même chose, mais... Non, je veux revenir vraiment sur l'aspect sensibilisation, accompagnement, encouragement. Ouais. Il y a plusieurs volets. C'est sûr que si tu arrives dans mon bureau puis que ton plan d'affaires est déjà monté et qui est pratiquement terminé, ben là aussi, je peux t'aider, mais peut-être que tu viens me voir parce que tu as besoin de financement. J'ai pas de financement au CEI. Par contre, je suis capable de te diriger vers d'autres antennes qui, eux, peuvent éventuellement t'offrir du financement ou des concours entrepreneuriaux ou des choses comme ça pour te faire avancer. Fait que je peux te prendre, peu importe le niveau où est-ce que tu es rendu, je peux t'aider. Et faut pas oublier que j'ai pas l'expertise dans tout. Fait que c'est pour ça que j'ai des collaborateurs et je travaille avec des partenaires qui, eux, vont pouvoir t'amener plus loin. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai atteint mon niveau de performance ou d'expertise, ben je vais dire, tiens, va à tel endroit, eux, ils vont pouvoir aller plus loin. Va à tel endroit, ils vont aller plus loin. Et je travaille, bien sûr, en collaboration avec tous les partenaires en entrepreneuriat en Mauricie, au centre du Québec. Très cool. Hey, on parlait d'événements qui s'en venaient. Il y en a deux au moins pour l'instant. Commençons par le Startup Weekend. Qu'est-ce que c'est, ça? Écoute, le Startup Weekend, là, c'est un événement incontournable à partir du moment où tu as le goût un jour d'avoir ta business ou tu as une idée d'entreprendre et tout ça. C'est 54 heures. C'est du 3 au 5 mars. Donc, c'est au début de la semaine de relâche. C'est 54 heures non-stop, ce qui veut dire que jour et nuit, matin, tu te présentes ici à l'université. Je vais donner plus les coordonnées. Et à partir de là, en 54 heures, en équipe, t'as à monter une business. Okay. Et à la fin, à la présenter devant un jury. Ce qui veut dire que le vendredi soir, les gens arrivent et peu importe, je le répète, là, t'es pas obligé d'être en gestion, en entrepreneuriat. Il y a toujours des gens en ingénierie qui viennent, des gens en informatique, ça peut être des gens en art, ça peut être des gens en santé, peu importe, t'arrives là. Et on pitch des idées le vendredi soir. Donc, les gens y vont. C'est vraiment une tempête d'idées. Les gens pitchent des idées. Les meilleures idées sont retenues. Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10 idées. Et à partir de là, les gens se mettent en équipe et pendant 54 heures d'affilée, doivent développer cette idée-là jusqu'à les présenter devant un jury. En équipe avec des gens qui ne connaissent pas. Avec des gens qui ne connaissent pas. Ils peuvent arriver avec un de leurs amis. Ouais. Il y a des gens éventuellement qui vont connaître là-dedans, mais pas nécessairement. Tu peux arriver tout seul. Toi, tu arrives, tu es en, je sais pas, en histoire. Tu as toujours eu l'idée de développer, je sais pas moi, un logiciel sur X, Y, Z relié à l'histoire. Mais tu te présentes là. Si ton idée est retenue comme une idée potentiellement exploitable, il y a des gens qui vont se mettre avec toi, un designer graphique, un programmeur, tout ça, et je te le dis pendant 54 heures. Tout au long de ces 54 heures-là, il y a bien sûr des coachs, il y a des conférenciers, des gens qui sont vraiment dans le monde des startups. Je les nommerai pas aujourd'hui parce qu'ils sont pas encore officiellement bookés, mais c'est souvent des gens, des sommités dans leur domaine qui sont reconnus. Et pendant 54 ans, on paye la bouffe, on paye tout. Il y a des matelas, tu peux dormir là. Il y a écoute, c'est ça comme va... deux jours et un quart. Là, c'est carrément, t'arrêtes pas. C'est pour ça qu'on fait ça au début de la semaine de relâche. Ça te laisse toute la semaine de relâche pour te reposer après. Mais tu vois pas ça passer parce que t'es tout le temps sollicité. C'est sûr que tu vas prendre des pauses à un moment donné. Tu vas dormir une heure, tu vas dormir deux heures à gauche, à droite. Puis là, tu reviens, tu travailles sur ton projet. On paye la bouffe. Il y a plein de cadeaux, il y a plein de choses. Et il y a des prix à la fin que tu peux gagner. Wow. Est-ce que tu penses que c'est une meilleure idée d'arriver avec une idée qui est originale? Ou une idée qui risque de fonctionner plus parce qu'elle est plus standard? Aucune importance, ouais, hein? Mathieu. Il n'y a pas de restriction dans l'idée. Tu peux arriver avec une idée standard qui n'est pas du tout commercialisable, qui en fin de compte n'est pas intéressante, puis rapidement tu vas te rendre compte que ça vaut rien. Et tu peux arriver avec une idée complètement originale, comme je le disais, saugrenue, qui ne tient pas debout, et tu vas la développer en 54 heures, ça va arriver avec quelque chose de tout à fait concret. Ouais. Fait que ça, il n'y a pas de restriction. Puis ça, je le répète, dans les 54 heures, là, c'est pas seulement des gens qui se disent « moi, je vais être un homme d'affaires dans la vie », ça veut juste être des gens qui ont des idées, tout simplement, et qui veulent les développer. Et ça pourrait devenir vraiment une équipe de tonnerre. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vraiment devenir votre partner d'affaires pour toujours. Ça peut aller plus loin que ça, je te dirais, Mathieu, parce que les juges sont souvent des fois même des anges investisseurs, sont des gens qui ont de l'argent. Pareil comme dans la... Un peu comme les dragons, si tu veux. Un peu comme les dragons, c'est je te dirais un concept différent, mais il reste que c'est sûr que si ton idée est super bonne, il y a du monde qui ont de l'argent à mettre là-dedans, qui sont, je les appelle les anges investisseurs, peu importe leur statut, puis qui vont dire, moi, cette idée-là, je veux l'amener plus loin après les 54 heures et qui sont peut-être prêts éventuellement à mettre des sous là-dedans. Pour te donner un exemple, les gars qui ont gagné l'année dernière, c'est des gars de Rum & Code qui sont rendus à Shawinigan. Oui. Ben, ils ont gagné, puis maintenant, ils ont leur entreprise, Pignon sur rue, et je te ferai un lien tout à l'heure. Oui, j'ai entendu parler, on annonce Rum & Code à la radio, puis je me dis, assez fou, puis Colin, ça a le fun. Ben, tout à fait, fait. Tu sais, ce qui est phénoménal dans ce type d'événement-là, c'est qu'en 54 heures, tu pars de rien et à la fin, tu as une idée commercialisable. C'est comme monter une business en 54 heures. On sait que c'est presque irréalisable. Mais pourquoi on peut faire ça dans un startup? C'est parce que les gens, ils mettent leurs forces en commun. Dans le temps, les entrepreneurs, ils faisaient ça dans leur cave, dans leur sous-sol. Ils allaient chercher des brevets. Ils gardaient leurs petites idées pour eux autres. Ils voulaient pas trop en parler, pas se la faire voler. Là, c'est tout à fait une autre approche. J'ai une idée, je la partage avec tous. Toi, tu as une expertise dans ça, toi, tu as une expertise dans ça, on se met ensemble, on relie nos expertises ensemble et on arrive à un produit final au bout de 54 heures. Un tout, c'est génial. Ouais, ouais. Hey, tu disais, tu as fait référence à l'année passée, donc c'est pas la première édition, c'est quoi la deuxième? Troisième édition, Startup Weekend de Trois-Rivières. Puis ce qui est important de dire, Mathieu, c'est pas le CEI, c'est pas le Carrefour d'entrepreneuriat qui l'organise. Moi, je fais partie du comité organisateur. Okay. Il y a un professeur de l'école de gestion, Étienne Saint-Jean, qui fait partie du comité, David Brouillette, qui est un prof en informatique au cégep, Andrew Damour, qui est un ancien étudiant ici, qui est aussi sur le comité organisateur. Et on a aussi une équipe de PICOM, donc des étudiants de l'UQTR, qui travaillent sur l'élaboration et la logistique du projet. Donc, on est une bonne petite gang. Puis on le fait à l'université parce que c'est l'endroit idéal, parce que la clientèle est captive aussi, parce que ça va se faire à l'Atrium, c'est un endroit qui est parfait pour ça. On a des salles de classe, donc la logistique est évidente. Puis le CEI, c'est un incontournable, on voulait faire partie de ça. Absolument. Donc tu l'as dit, à l'Atrium de l'UQTR, comment est-ce qu'on s'inscrit, c'est quand? Bon, la première chose, j'ai envie de vous dire, allez sur la page « Faites Startup Weekend Trois-Rivières », parce qu'il ne faut pas oublier que les Startup Weekend, c'est mondial. Okay, il y en a partout dans le monde. Au Québec, il y en a eu plusieurs. Il y en a à Québec, à Sherbrooke, à Longueuil, à Shawinigan, qui va avoir à l'automne en passant. Je suis aussi sur le comité. Je plug. On va en reparler. Je le plug. mais c'est ça. Donc, la page Facebook de Trois-Rivières, du Startup Weekend Trois-Rivières, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du CEI-UQTR. Mm-hmm. Vous faites CEI-UQTR, vous allez voir une espèce d'ampoule à cinq branches. Vous allez aimer cette page-là, en bon français, liker cette page-là, oui. Allez m'aimer, et vous allez pouvoir avoir tous les renseignements pour vous inscrire. Et j'en parle, il y a un code promo. Je pense que si vous faites... si vous faites UQTR, au lieu de coûter, je crois, 60 ou 65 $ pour les 54 heures, je pense que ça vous coûte 44,99. Deal? Deal, ben oui. Avec tous les cadeaux, la bouffe, l'événement, tout ça, c'est... Tu sais, je veux dire, il n'y a rien, qualité-prix, il n'y a rien, c'est imbattable. Donc, allez vous inscrire, code promo UQTR. Je sais pas si je vais faire chicaner par mon comité. Mais je le dis quand même. Et y a déjà plus, on a déjà plusieurs inscriptions là, déjà sur le site. C'est un Eventbrite, donc c'est super facile. Mm-hmm. Fait que sur la page du Startup Weekend ou sur la page du CEI UQTR, donc Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation du QTR, tous les renseignements sont là. C'est parfait. Et une autre affaire qu'il y a aussi, donc après Startup Weekend, il y a ADN d'un pitch. Oui, Mathieu, l'ADN d'un pitch. Bon, écoute, c'est carrément lié avec le Startup Weekend. Mm-hmm. Oublions jamais, Mathieu, que quand tu as une idée d'affaires et que tu veux te partir, ça te prend quoi, ton avis? Du cash money. Ça te prend du cash money. Ben, pour avoir du cash money, il faut que tu sois capable de vendre ton idée. Mm-hmm. Et il y a plein d'exercices qui sont faits ces temps-ci en disant, ben, si tu as une idée et que tu veux te faire financer, il faudrait que tu sois capable de la faire dans un ascenseur en 5 étages. C'est ça. Oui, un investisseur. Ce qui veut dire en 2 minutes, 3 minutes, en moins de 3 minutes. L'ADN d'un pitch, c'est un atelier qu'on donne en amont du Startup Weekend. Okay. Ça a lieu le 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin. On a fait exprès de ne pas faire ça le soir de la Saint-Valentin. Bon point. Le lendemain de la Saint-Valentin, c'est une soirée, c'est de 6h à 7h30. Okay. On paye la pizza. C'est gratuit. Ouais. Et c'est le gars de Roman Code, Félix-Antoine Huard, qui est un... On peut le dire un kingpin dans les pitchs. Ce gars-là serait capable de vendre des frigidaires aux Esquimaux, ouais. Comme on dit, une vieille expression quand j'étais petit. C'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller encore sur le site du CEI-UQTR et d'aller t'inscrire. Il y a quand même, les places sont un peu limitées. Là, mm-hmm. Je commence déjà à avoir beaucoup d'inscriptions, donc je pourrais pas prendre 300 personnes. Il n'y a pas assez de pizza à Trois-Rivières pour 300 personnes. J'ai pas assez de budget. Mais c'est une soirée où est-ce qu'il va donner des trucs, comment faire un bon pitch. Lui, donc, c'est ce qu'il fait. Il a déjà fait ce pitch-là. Il a déjà réussi à partir son entreprise. Non seulement il a parti son entreprise, mais des pitchs, il en a fait à gauche et à droite. Et je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement bon là-dedans, qui va donner des bons trucs, c'est interactif, c'est un gars qui a un bon sens de l'humour. Moi, je pense que ça vaut la peine, et surtout si tu veux participer au Startup Weekend ou dans la vie, tu vas avoir des pitchs à faire. Ouais. Quand je dis ça, là, c'est pas nécessairement dans les Startup Weekend, mais le jour où tu vas aller voir un banquier ou quelqu'un pour te financer, ou tu participes à un concours, ou même une présentation orale, tu auras toujours à vendre ta salade. Et je pense... synthèse, savoir comment résumer ce que tu fais. Tout à fait, résumer, comment puncher, quoi dire, ouais. Comment le dire... Convaincre, t'as tout compris. Ouais. Et je pense que cet atelier-là est fait sur mesure pour quelqu'un qui veut participer au Startup Weekend après, puis qui veut participer à l'événement. Ben t'as une pratique, là, j'ai comme envie de te dire. Si on te montre à patiner avant d'embarquer sur la glace, ben t'es toujours meilleur que celui qui a pas appris. C'est ça, t'es comme la chaise qui va t'apprendre à patiner. On va dire ça. Puis je peux te dire qu'avec Félix-Antoine de Roman Code, il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais qu'il va performer. Puis c'est pas long. Je pense que c'est le 15, c'est un mardi ou un mercredi soir. Un mardi soir de 6h à 18h. Je pense que c'est un mardi. C'est un mercredi. C'est un mercredi. Donc c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Fait que de 18h à 19h30, convivial. On s'assoit, on mange de la pizza. Puis Félix-Antoine nous fait son show. C'est un pitch and pizza. Pitch and Pids, c'est bien dit. Du marketing. J'ai-tu le droit de le récupérer? Ah ben, mais ça fait plaisir. C'est gentil. Donc, gentil. Pas de droit d'auteur, par contre. Non, merci, j'ai pas de budget pour ça. Moi non plus. Ça se passe où? Ça se passe au 10-26 Ringuet, mais ça se peut très bien. Et là, je vais envoyer un courriel. S'il y a trop de monde, là. Ben, s'il y a trop de monde, je trouve une autre salle, puis c'est tout. Il n'y en a pas. L'UQTR en est rempli. On vire de bord, on se prend un amphithéâtre, puis on fait ça, là. L'amphithéâtre que j'ai couvert, on sait jamais. On sait jamais. Donc, ça se passe le 15 février, tu l'as dit, à 18h, à ce local-là du pavillon Ringuet. 10-26 Ringuet. On s'inscrit encore une fois par la page Facebook ou? Page Facebook, la même chose. Puis sinon, si vous allez voir un peu les blogs de l'UQTR. Ouais, l'entête. L'entête, des choses comme ça. On est là-dessus, on est partout. Vous faites l'ADN d'un pitch, là, vous allez le trouver. C'est tellement simple maintenant avec les médias sociaux. Ouais. Mais je pense que l'idéal, et là, je fais la promotion de ma propre paroisse, allez aimer la page du CEI, UQTR. Et puis, si vous avez une idée, puis je veux juste rajouter quelque chose. Vas-y, Mathieu, vas-y. Je rencontre des étudiants aussi en individuel. Ouais. Ce qui veut dire que c'est un service que le CEI offre. Là. À date, écoute, je suis à peine connu. Je suis dans le fond d'un bureau, mais bientôt, on va avoir pignon sur rue. Je te l'annoncerai quand il faudra. On est un peu tôt, mais il reste qu'on va avoir un local vraiment pignon sur rue. Mais en attendant, je fais déjà des rencontres en individuel auprès des étudiants. Fait qu'on fait pas juste des activités de promotion. À quel sujet pour les mêmes choses? Pour la même chose. Tu as une idée d'affaires, tu veux savoir où tu t'en vas, tu as besoin d'être sécurisé, peu importe. Là, je fais tout ça jusqu'à la limite de mon expertise, puis après, je réfère. Wow! Mais c'est le fun d'avoir ça à l'UQTR. Donc, on cherche la page du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, CEI Trade Union UQTR, si je me rappelle bien. Tout à fait. Et toi, c'est Philippe Compagnon, qui est le coordonnateur oui. de tout ça. Oui. On te félicite. Merci, c'est gentil, je suis très content. Merci d'avoir été là. Bon. Puis pour la Venez critique du spectacle nombre. De princesse, là. Les décors moyens, mais le chant était vraiment bon. Là. Le chant était très bon pour c'est la ça. Reine des Neiges en fin de semaine, Mathieu. Merci, Philippe. Merci. Alors, on écoute une petite pièce, une chanson, une musique qu'on appelle, et puis après ça, on vient pour se terminer l'émission. Voici See the Light par Elephant Stone. Vous êtes à l'Assemblage requis pour encore quelques instants sur les ondes de C'est fou. The pain of love. Stone et See the Light à Assemblage Requis. C'est là-dessus que ça se termine pour aujourd'hui. Alors, merci à la Célia Couilly pour sa chronique Le Bus Magique. Merci à Philippe Compagnon pour ADN de Pitch et Startup Weekend, lui qui est coordonnateur du Carrefour d'innovation de Truc-Truc Patente. Je vais le dire ça tantôt, c'est ben trop long son nom. Le CEI QTR, le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR. Voilà, on le remercie pour ça. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, mardi, bien sûr, on aura Justine Renaud et sa chronique sur la science et la musique. Donc à 7h30. Et puis David Ferron ne sera pas là demain. Malheureusement, je l'annonce tout de suite pour ne pas vous surprendre demain. Donc on fera d'autres choses. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, alors ce lundi, on aura C'est Fou le Sexe à 9h30 qui s'en vient. Ça commence juste là dans quelques instants. Ensuite, à 11h, la sortie de secours est à votre gauche, émission de politique. Et puis à midi, c'est la rediffusion de Rock Classique avec Alain Lefebvre et le docteur Pendragon. Rock de Neurone sera en direct à 20h avec du rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se retrouve demain 6h30 et on écoute pour se quitter Ostra avec Utopia. À demain, bonne journée et comme dirait Tania, bon café. Je vais dire plus aigu. Bon café, bon café, bon café, je suis pas capable. Bye.